Et le gouverneur les a payés dans les 24 heures. Ça, c'est vachement intéressant. Mais tu sais, en disant toi, etc. C'est vraiment la. C'est-à-dire que c'est un défi, mais il faut voir que le défi est très important chez les musulmans, mmh. surtout les musulmans qui vivent en tribu comme au Yémen. C'est-à-dire que on lance à la face d'un type un état de fait auquel socialement il se doit de répondre. S'il veut rester lui-même. S'il veut garder, s'il veut garder son honneur. Sa responsabilité, son honneur, c'est ça, etc. C'est ça. Et c'est un fait culturel un inscrit dans les hiérarchies. Oui, mais c'est un défi qui peut donc être en porté en public. Un zamel face à face, ça ne se conçoit pas. Ah, bien sûr. C'est ouais. toujours à la face de la tout. À la face de tout. Bien sûr. Et ça me fait beaucoup penser à ce qui se faisait dans certaines sociétés du Moyen Atlas, où quand un individu n'avait pas payé une dette, ou n'avait pas payé que du sang, ou de mal agi, on apportait le jour du souk son effigie. En le montrant en plein souk, en disant ça, c'est le pas d'un tel qui n'a pas payé, etc. Son effigie est dessinée sur quoi? En mannequin? En bois. En bois, avec les caractéristiques. Il y a toute une collection au Bata, à Fès. Comment ça s'appelle ça? Tiens, je ne me rappelais plus. Ça. Si. Qu'est-ce qui raconte ça? C'est attesté partout, depuis Herbert jusqu'à Monchico. La Houste. La Houste, oui. Bien sûr. Aussi. Mais les poupées, enfin les figurines que j'ai dans la collection du musée sont de 37. Elles sont petites? Larges comme ça? Comme ça. Ah bon? On voit habillé, on voit très bien, c'est un nègre, on voit les tatouages. C'est lourd, etc. C'est lourd. Non, c'est lourd comme ça. Mais plate ou... Non, on bosse. Oui, mais c'est un tronc de bois, quoi. C'est taillé, c'est une poupée de bois. C'est un tronc de bois, oui. Mais c'est une manière de concrétiser le défi qui est de la astreinte. Ce qu'il y a d'intéressant, d'un point de vue éthologique pour moi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le Zamil s'inscrit dans une ordonnance parfaitement organisée, non seulement de rapports sociaux, mais de hiérarchie de valeurs morales et de... de possibilités de langage un autre individu et un autre, quelle que soit sa position sociale, et de c'est prendre à témoin le public et la foule, la communauté. Et cette façon de prendre à témoin la communauté procède un petit peu comme le jugement collectif du chir ou du cadi devant la foule et à laquelle il demande son avis. C'est finalement la collectivité qui pèse sur celui qui a le pouvoir de décider de cette sollicitation, de décider de la satisfaction de cette sollicitation, qui agit. C'est ça, vraiment, le poète est un porte-parole de la conscience collective. C'est cet équilibre, finalement, politique, qui est vachement bien intéressant. Bien sûr. Mais tu as un Zamel. C'est un poète politique avant tout. Tu as des Zamel célèbres dans l'Iliade, dont le plus célèbre est celui qui a poussé, je ne sais plus comment s'appelle le poète. Dans lequel se faisant mer met dans la bouche l'administration à Ulysse pour le faire sortir de sa tente après qu'il ait pleuré pas trop pendant 4 jours et que les bandades règnent dans les grandes infinies. C'est un poète qui s'adresse à lui pour le faire sortir de sa tente. Ouais, ouais. C'est pas c'est la force opératoire du poète. Et à notre époque, naturellement en Occident, ces choses se sont édulcorées. Mais je pense à la réplique de De Gaulle à propos de Sartre, qui avait dit, parce que Sartre attaquait le régime, la guerre d'Algérie, tout ça, et on le respectait, on n'était pas en prison. Et il avait dit, Sartre, parce qu'on est à cheval ou tout nu autour de la Concorde, je ne l'arrêtais pas. C'est tabou, c'est comme Katabi Yassine à l'égard du régime algérien. Ouais. Katabi Yassine a écrit des critiques féroces sur le régime algérien. Ouais. Il a toujours eu sa liberté de parole et de voyage. En fait, c'est exceptionnel. Il est rentré en Algérie, il est ressorti. C'est Katabi. Ça, c'est exceptionnel parce que attention, ce sont des gens qui sont sanctionnés non pas par le groupe, mais par des groupes étrangers. Ils ne tirent pas leur force de leur propre société, mais finalement de... Sartre est un personnage international, et Kate Diacine, tu comprends, les ancêtres sur les etc. C'est plus un personnage. À côté de ça, on a les emmerdes qu'on a fait à Boudjedra et autres. Boudjedra a bien autant de talent que Kate Diacine, c'était pas un poète ou un titre. Boudjedra a écrit en français. C'était bien sûr aussi, il s'est mis à l'arabe très tard. Ah, quelques romans en arabe, si je ne m'abuse. C'est mis très tard. Ça, c'est deux poids de mesure, justement, oui, parce qu'il y a l'individu adossé à son groupe et l'individu adossé à la conscience internationale. Non, mais c'est vrai que, justement, l'analogie s'arrête là, mais précisément, elle est bien significative de l'évolution. Si Kate Diacine ou des Boudjedra ou autres s'adossent à une communauté internationale, c'est faute de pouvoir s'adosser à sa communauté. On pourra discuter longtemps, c'est parce que si... Non, mais l'exemple, naturellement, la comparaison pour moi, elle est fortuite, mais ce n'est pas du tout la même situation. Non, je pense à ce que dit Jocelle et qui marche encore ici. Quand un type demande production, il te dit je suis Alain Tartoujek, je suis sous la figure de monsieur Antel, et ben, et le mec, il ne sera pas tué, le mec. Oh, il y a une fissure en 10 sous mon nez. Ah oui. Et Ali me l'avait dit. Ali me l'avait dit, si tu as des ennuis, tu dis que tu es sous ma figure, et moi je m'occupe de toi. Toi, tu fais rien, tu attends. Et ça, c'est vachement important. Parce que c'est reprendre. Là, ça sent bien aussi. À 7 heures, oui. À 8 heures. Effectivement, je l'ai entendu à 7 heures ce matin. Ouais. J'étais un peu étonné, parce que c'est pas un moment de prière. Non, pas du tout. Bien sûr. Elle a eu lieu à 6h30, 7 heures, oui, l'appel à prière. C'est-à-dire que les gens n'ont pas dormi, je pense. En gros, ils ont tous mangé du 4. Mm-hmm. Et puis ils sont allés prier à 7 heures, et ils sont allés se coucher après. Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui étaient couchées, qui dormaient le matin. Donc... Mm-hmm. Il y a eu une grande prière à 7 heures, et il y a eu une autre prière à midi et demi. Peut-être, oui. Ça, j'ai pas bien fait attention, mais apparemment c'était à 7 heures l'essentiel. Mm-hmm. Et alors, c'est une prière qui est différente de la prière du Juma, du vendredi. Ah oui. J'ai failli l'enregistrer d'ailleurs, et puis ça va peut-être se faire un autre jour. Mais ce qui est remarquable, m'a-t-on dit, c'est que la khutba a lieu après la prière. Oui, après la prière et non pas avant, comme la prière du vendredi. Mmh. Puis alors, il y a d'autres. Il y a des formules spéciales. Et qu'est-ce qui dit la khutba ? C'est l'imam normal, c'est l'imam, ou c'est un autre ? C'est l'imam, je pense. Enfin, ça faudrait vérifier. Je ne sais pas. Hein. Et pourquoi ? J'ai vu souvent chercher d'autres lecteurs de prose que le lecteur habituel. Ouais, ce qui se comprend. Ce qui se comprend. Oui, bien sûr, c'est un moment exceptionnel. Un moment exceptionnel. On prend quelqu'un qui va chercher. Très possible. Vous n'avez pas su la façon dont on se congratulait. Alors on se congratule. Il y a plusieurs formules. Mais alors, j'ai pas vu de formule de pardon. On rentre, on dit Aïd Koum Mabrouk, Aïd Moubarak. Tu peux aller les prochaines. Peut-être bien. J'ai pas les notes là. Et après Il y a une formule assez remarquable. La personne qui vous accueille. Vous dit min el aïdin. Min el aïdin. Sous-entendu, entoum min el aïdin. Vous êtes des gens de la fête, je pense. Et on répond, donc celui qui arrive dans la maison répond, entoum min es salimin. Vous connaissez ça? Et je l'ai vérifié effectivement ce matin. Les gens vous disent ça. Et puis alors, il y a d'autres formules que j'ai pas toutes en tête. Mais ils ne demandent pas pardon. Non. Il n'y a pas non plus Akbel. Je ne sais pas. Non. Comment? Ah Akbel. Oui. Je me rappelle. Tu as raison. C'est. Yom El Gabel. Comment on dit ça? Akbel El Gabel ou quelque chose comme ça. Oui, bonté divine, cette formule m'échappe. Ce qui veut dire à peu près à l'année prochaine. Quoi. Oui, c'est ça. Ah oui. Oui. Et c'est ce qu'ils se disent après la prière. Et après, ils se pardonnent. Hamel Gabel, comment on dit. J'ai noté ça, bon Dieu, je l'ai écrit. Je me rappelle déjà plus. Il y a une autre formule très très commune qui dit. Ibarrok El Beidou Ahlé, truc comme ça. Et alors celui qui est le propriétaire de la maison répond au Ibarrok El Dakhalé. Donc que Dieu. Que Dieu bénisse les gens de la maison, et on vous répond et qu'il bénisse ceux qui y entrent. Mmh. Non, ceux qui y entrent, puisque c'est l'autre qui, oui. qui accueille. Est-ce qu'il y a beaucoup de formules de politesse comme ça? Oui, il y en a beaucoup. Hein. Si vous voulez, je peux vous en passer quelques-unes. Ah oui, en Afrique du Nord, les formules de bénédiction quand on quitte quelqu'un qu'on aime beaucoup sont infinies, sont très riches. Là, d'ailleurs, je l'ai arrêté, vous verrez, mais. Alors cette qasida, attendez, cette qasida s'appelle comment? Alors elle s'appelle, elle n'a pas de nom en fait. Il y a une remarque qui dit bon Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ces vers sont scientifiques, religieux et artistiques. Je croyais que c'était le vocabulaire marxiste, marxiste scientifique. Quand on dit scientifique, je me méfie toujours. On connaît, nous, ce merde, ce mot. Alors donc, il y a une invocation à Dieu qui est assez longue. En ton nom, mon Dieu, j'écris ces vers. Je n'ai que toi comme soutien. Tu pardonnes mes péchés, ainsi que ceux de mon père et de ma mère. Je cite ton nom en toute occasion. Toi, le seul, je n'ai que toi comme soutien et comme bienfaiteur. La faute, le péché horrible a déjà été accompli et toi, tu le sais. Je n'ai que toi comme pardonneur. Ô généreux, ô toi qui possèdes les... etc. Bon, je vous passe un petit peu. Je te loue mille fois. Depuis le jour où tu as créé la terre pour le jour du jugement dernier. Toi qui as préparé le jour du jugement dernier pour les gens, ma langue prie sur le prophète Mohammed, Mohammed Mahmoud, loué, celui qui prie pour lui est heureux. Bon, enfin, je vous passe tout ça parce que c'est un petit peu. Et alors, quand c'est qu'il parle des individus eux-mêmes là-bas ? Wadakhalt lisana. Bon. Voilà, alors ça prend un quart à peu près. Hein. Et ça, c'est certainement une littérature codifiée. C'est bon. Mmh. Non, à la fin, il dit un truc intéressant. Il dit Yahages, ô cerveau, esprit. Hages. Yahages, ô idée. Organise-toi. Andom. Wa elf elf tahia. Et mille saluts. Andom, qu'est-ce que ça veut dire? Andom. Andom. Oui, elle mouna dama. C'est l'organisation. Là. Mmh. Ô esprit, organise. Parce que Andom. C'est pas pareil, un dump. C'est-à-dire, j'ai regretté. Non, oui, non, c'est tout à fait autre chose. Fahat wanzum, hat laqidaya min bahr ghamik wa qard al-ahjas. C'est-à-dire, organise, ou donne, organise, sort de la mer profonde et de la. Et du fond des idées. Mmh. C'est une espèce d'invocation à l'esprit pour qu'il organise les choses. Mmh. Je suis entré à Sana. Alors je vous dis le truc parce que c'est quand même ça sonne. Dakhal tu li Sana fiyo meritnin, marraytu fi sharia wa anni bi'tnin, sadiq ma'rouf, mali wa anni illa qali wa manayn ra'in, wa qult baftuka addati ma'al fas. Alors je suis entré à Sanaa un dimanche. Je passais dans la rue et tout d'un coup deux personnes. devant moi un ami connu, c'est-à-dire Marouf. C'est-à-dire Marouf, un ami très connu, qui me dit d'où est-ce que tu viens, où tu vas. Menaïn et Laïn. Wayne, Aïna. Ah, Menaïn et Laïn. Oui, d'accord. Il a Wayne en fait. Il a Wayne. Warhul Baftouk Addati Maralfas. Je vais faire. Je vais aiguiser mon face. Mon face. Pour couper la pierre, parce que c'est un tailleur de pierre, le type. Oui, d'accord. Je vais faire aiguiser mes affaires, mes outils avec le face. Ya marhaba Allah, Ahla. Bienvenue au ami. Qui a été absent longtemps, et bienvenue à celui qui t'accompagne. Tu ne dis pas seul. Non, jamais. mille bienvenue, et bienvenue à tous les amis. Votre destin est sur mes deux sourcils et sur ma tête. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Il dit bien les deux sourcils. Oui. Et pas les cornes. Fawq al-hajibayn wa ras. Wa qult lahu, et je lui ai dit, mais qui est celui, quel est le nom de celui qui est avec toi? Il est séduisant, fin, et il vit, et qui vit sous ta protection. Autrement dit, c'est une femme. Ouais. Quel est ton nom? Dis-moi. Mon esprit t'est sacrifié. C'est une formule classique. Ruhi fadaka. Mon esprit. Mon âme t'est sacrifié. Fadaka, vous savez, les fedayin, c'est le sacrifice. Ruhi fadaka. Jawab wa qali esmi indaka bilawrence. Il m'a répondu, mon nom pour toi sera Lawrence. الورد والريحان أو لا لا description كمان الورد والريحان في خدوده محلى قوام عنق معانهوده يا ليت وأنا في مرقاده أذوده ولا زجاج وأنا كثير الماس. Et le français, la rose et le myrte. Oh, c'est le lilas. Ah, c'est la rose et le myrte. La rose et le myrte. Et le myrte. C'est la myrte. Ah, c'est la myrte. Le myrte. La rose et le myrte. Attention, il ne faut pas confondre le myrte avec la myrrhe. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pas pareil. Ouais. Le myrte est un arbre à feuilles odoriférantes. Comme le basilic, quoi. C'est la ah, même c'est chose. Un grand arbre. Les Arabes, depuis 2000 mais, ans. Mais attends, attention, c'est parce qu'ils disent très souvent pour le basilic, rihan. C'est vrai aussi. Ouais, c'est pour ça que je fais la confusion. Moi, je pense qu'ici, c'est le myrte. Hein. C'est pas le basilic. Le rihan des poètes, c'est. C'est le myrte. C'est un arbre. Voir des rihan, c'est la rose et le myrte. Alors la rose et le myrte sont dans sur ses joues. Il n'y a pas plus beau que la posture de son cou et de ses seins. Ah, comment il dit ça? Mahla qawam 'anqihi ma'a nuhud. Nuhud. Nuhud, les seins. C'est les seins. Ouais. Mais nouhoudé, c'est en langage. Vous allez voir, ça va dire plus beau que ça. En langage littéraire, ou bien nouhoud, c'est un c'est terme. Aussi en, c'est aussi en langage littéraire. Nouhoud. Un nahd. Un nouhoud. Yala itawan, fimalgade aboudé. Oh, si je pouvais être. Enfin. Dans son lit, on peut dire, c'est-à-dire sur sa couche, l'embrassant. Diable. Alors l'embrassant dans les deux sens. En fait, c'est la même chose. Comment on dit ça en arabe? Ya laitani wa anna fi margade adoude. C'est très très beau. Il faut que je passe le type d'ailleurs, parce que quand il raconte ça, c'est succulent. Wala zujaj wa ana kasir almas. Qu'on ne me donne pas du verre. Enfin, je traduirais ça comme ça, qu'on ne me donne pas du verre, que je fuis, je... Ah non, et si j'étais du verre? Et si c'était du verre? Ah oui, c'est ça. Oh, si je pouvais être sur sa couche et l'embrasser, et si c'était du verre, je serais le diamant pour le couper. Pour le fendre. Faut pas oublier aussi que le sexe de la femme, enfin, c'est vraiment la fente, c'est sharp aussi. Mmh. Ses yeux ressemblent à l'araki, c'est le... À l'agate. À l'agate bleue. Et ses sourcils, elle va une hajben galaract di mzahnak. Ses sourcils sont comme les arcs, exact, les arcs décorés. Ward al-wujan, ad fattash wa abraq. Le rose de ses joues éclos, abraq, comme abraq. Oui. Pour moi, ça serait du berbère. C'est la poterie, je crois, abraq. Mais abraq, ça doit être aussi blanc, éclos blanc, je crois, oui. Comme ça. Fayus le baroul, elle fait la chérine yanas. Elle rend fou les esprits des amoureux aux gens. Asnan mitneloul, wal haykal, des dents comme les perles. Wal haykal, wal hayakil, je sais plus ce que c'est le haykal. C'est aussi une pierre précieuse. D'où ça, on oppose toujours l'eau d'une source, c'est le radab, et puis l'eau salée d'un puits, le malih. Et alors, adb al-kalam, c'est l'eau douce de la parole. Il n'y a pas plus doux quand on la goûte. Sa salive est un remède. Lorsqu'elle sourit. Ils embrassent donc sur la bouche, puisque par exemple. Oui, bien sûr, oui. Il s'embrasse sur la bouche, les yéménites. Oui, là apparemment, c'est, enfin, le symbolisme est évident. Les nouvelles générations, sûrement. Oui, mais dans la tradition, jamais. Jamais, bien sûr. On se fait des petits becos comme ça. Ouais. À la volette, mais ça, ouais. Ils ne connaissent pas. Hein. Au Maghreb, t'as vu les femmes comme elles embrassent. T'as vu ça. Mais pas de baiser voluptueux. La femme qui fait l'amour, elle tourne la tête. Je sais pas, quand même, ça doit être aussi une tradition peut-être chez les poètes arabes, qui étaient dans des cours raffinés, etc. Mm-hmm. Ça devait peut-être se faire. Ah oui, mais dans les textes anciens, on parle jamais de la salive des femmes. Ouais, même chez les Grecs. Non, je parle des traductions que j'ai lues, c'est de l'Orient. Ouais, de la Bounoua, oui, un peu comme ça. Ah bon? Ça, il faudrait jouer d'arabe, ça m'étonne. Regardez. Ah, Belkin, bon, Yuhna, ou Minmos, ou Aïdé, Chefa, et Fas. Quand on suce sa salive, c'est un remède pour les humeurs. Le goût blanc, il y a un truc un peu sombre, des seins comme des pommes. Qui pointe, c'est certain. Il sent un parfum de Paris qui est venu fermé, parfaitement fermé, qui vient d'ouvrir. Oui, qui vient de. Ça, c'est une fois. Il n'a pas été inventé. Oui, c'est ça. On va attendre une minute. Bien conservé. Bien conservé. Et ça veut dire finalement elle est plus sale, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien sûr, toujours. Oui, parfum bien conservé, ça veut dire qu'elle est plus sale. Toujours cette. Cette symbolique de vantée, la fraîcheur. Hein. Les paumes des mains, fauteur, fautif, les gènes. Ah non, fruits. Les paumes des mains, fruits. Matin et soir, c'est-à-dire elles sont fraîches, elles sont toujours aussi fraîches le matin et le soir. C'est très beau d'ailleurs. Rouful yedayn ya jani beaucoup voir un las. Had al ajab mahla fi zunoudi. C'est encore plus formidable quand on regarde ses bras. Amal khawasir fa qabdatak taroudi. Voilà. Quant à ses hanches. Ta prise la dirige. Donc tu la diriges par les hanches. Son ventre, et de soie qui recouvre ses plis, à l'intérieur de des plis du ventre. Et les reins sont une prise, voilà, qabdat. Walhaqu qabdat mahkoum yarid harras. Et ces reins sont une prise qui est une prise sacrée qui demande un gardien. Alors comment il dit les reins? Walhaqu, c'est un terme classique. وشرب الهنا مشتاق انا لختنا وباشي رفق انا لختنا وموانا روي ما يهمنا. Donc شكر الهنا, c'est la fente. الهنا, vous savez, هني à Marianne, c'est quand on a bu, on est rassasié et satisfait, quoi. Donc شكر الهنا, c'est la fente de satisfaction. Dis donc que cela est bien dit. Mushtaq ana. Shuk. Shuk. Shuk. Vous avez dit shuk. Non, shakku. Shakku. Shakku. Shakku. Mushtaq ana. Donc je souhaiterais moi en être être celui qui la ferme, qui la garde. Je m'en vais. Je sais pas, un truc sombre. Et c'est moi qui ouvrirai, donc qui l'ouvrirait, qui la fermerait et l'ouvrirait, qui en serait le maître. Chapeau. Et je lui montrerai ce qu'elle désire. Et d'odeur, de parfum, de goût, d'embrassement et de caresse. Wafraz mit les shema ja mouarrad. Et des cuisses comme des bougies importées. Quel drôle de compliment. Elles sont humiliées. Ouais, elles sont belles, elles sont fous, etc. Marco Moua, Fibben Ouvé, Mouban Nade, je ne sais pas ce que c'est. Wahada Wasafi, ceci est ta description pour nous assurée. Son parfum sort comme la rosée quand on ouvre un sac. Quand on l'ouvre, nada, je sais pas si c'est vraiment la rosée. La rosée ne sort pas. Ou un parfum. Ça doit être un parfum, mais il me semble quand même que nada, c'est la rosée. Comme un parfum qui sort d'un sac. Quand on ouvre un sac. Oh, John! هذا الوصف ما أقوله. Ceci est la description que je dis. Ou avoue et voit quelle sera la réponse de la belle et ce qu'elle dira. Mais en fait tout ça au masculin. Et la réponse du beau et ce qu'il dira. Ceux qui vivent à son côté ont déjà appelé à sa famille, son père et sa mère aussi. Pour lui demander sa main, quoi. Enfin, sous-entendu, oui, c'est pas très clair. Ouais, oh, s'il était musulman, je dépenserais tout ce qui est en mon possible. Oh, John. John. C'est moi. Oh, John. John. Je m'appelle John. Ah, quand vous avez dit John tout à l'heure, je me disais quoi John et John et Jean fait aussi des efforts pour arriver auprès de sa famille. Pour demander sa main. Et je la posséderai à la place. Un jour, il avait été malade, il était jeune, il avait dit ah, je crois que c'est un haram, j'ai un tout jeune parce que j'étais malade. Vraiment, il était complètement culpabilisé. Et c'est un type qui est assez honnête. Alors, on sentait qu'il était vraiment coincé entre ses principes et puis sa passion. Et il aurait bien voulu essayer d'aller un peu plus loin, etc. Quel âge il a? Il a 35-40 ans. Mmh. Il est marié, il a 50 ans. Et alors, bon, pour lui, son texte poétique, c'était vraiment l'exorcisme de ça, quoi. Ça se sentait, c'était très fort. Le diable s'est glissé en lui pendant le ramadan. Ouais, exactement. Ah, c'est merveilleux, ça. C'est pas une situation purement abstraite et littéraire. Ah non, pas du c'est tout. Une situation vraie. Pas du tout, et là on sent vraiment que la poésie pour lui est le seul moyen de défouloir. De défouler des passions qui sont débordantes, parce que c'est un type qui n'arrête pas de parler, et quand on le voit quotidiennement, on ne peut plus l'arrêter, il continue, et puis alors ça passe du Coran, après c'est la poésie, et puis le poète a dit, et ceci et cela, et c'est une vraie, c'est un feu d'artifice. De quoi vit-il? Quel est son... Il est tailleur de pierre. Ah, c'est vrai, c'est ça que... Mais j'aurais pas cru qu'il était tailleur de pierre professionnel.